بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى عن مصافحة المرأة الأجنبية، أي ما حكمه؟ Il a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah sur le jugement de serrer la main à une femme étrangère. قال هو حرام, c'est interdit. Et avant de lire al-fatwa, on précise هنا أن الأجنبية, c'est une femme, tu n'es pas un mahram pour elle. Ça ne veut pas dire que l'insan ne la connaît pas. Et là, c'est un tambih très très important. Al-Ba'ad, il serre la main au plus loin, ils font la bise à certaines femmes, et lui-même, ce n'est pas un mahram pour cette femme. Mais elle, elle n'a pas ce lien qui lui permet de pouvoir voyager avec lui, lui serrer la main, il a akhiré. L'imam Ali, al-Ba'd, il confond al-mahramiyya et le fait de connaître. Mathalan, tu peux connaître une femme depuis des années, depuis que tu es petit, mathalan, une voisine. Est-ce que cette connaissance, ça nous permet de délaisser les hadiths qu'on va citer et de serrer la main de cette femme et de tomber dans le haram? La yajouz. Même si on la connaît. Ça peut être une femme que tu n'as jamais vue, que tu ne connais pas, et tu as le droit. Mathalan, une tante. Non, il faut bien, bien comprendre. C'est interdit. Même si c'est une cousine. Il y en a la cousine, même si Robama a un lien avec toi, madalan, la fille de ton oncle, elle a un lien. Elle a un lien, lakin, vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé de nous marier avec nos cousines, et on n'est pas des mahrams pour elle, on ne peut pas voyager avec elle seule, il a arrêté pour fermer la porte à al-fitna, on n'a pas le droit de lui serrer la main, elle n'a pas le droit de nous serrer la main. Même si c'est une personne qui est fi manzilat al-um pour toi, madalan, une voisine ou une copine de ta mère, et elle t'a vu grandir, il a akhiré, lakin ça autorise pas. Bien sûr que tu vas la respecter, bien sûr que tu as le droit de lui passer le salam sans tomber dans le fitna, il a akhiré, mais lui serrer la main, rester avec elle seule, voyager avec elle, dinullah azza wa jall, on doit se revenir à ces hadith que Cheikh Mokbel il a cité. Fa ta'ammal qala rahimahullah fa fi sahihayn عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais touché la main d'une femme, et bien sûr étrangère. Ça c'est رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça nous montre كذلك un autre point. Quand tu lui serres pas maintenant la main à cette voisine, à cette cousine, كأن tu l'as accusée d'une chose. Maintenant elle dit elle, mais là je te connais, pourquoi tu penses ça de moi? Qu'Anna, tu l'as accusé d'une chose. Un Nabi, alayhi salatu salam, le meilleur être humain, le plus pudique, alayhi salatu salam, il ne serrait pas la main des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il les accuse. Là, ça fait partie de notre dîn. Et zid ma'a zalik, on n'est pas à la barre. Al-shaytan yajri majra d-dam. Et un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, si il nous a enseigné ça, c'est pour fermer les portes du mal. Enfin, on doit fermer les portes du mal. Combien de gens, ils sont tombés dans le fitna avec des voisines, avec des proches. On n'est pas à l'abri. قال وفي جامع الترمذي عن أميمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. Et je ne serre pas la main aux femmes. On répète, étrangères, bien sûr. Et c'est notre modèle, عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش. هذا الشاهد, أي ces choses elles tombent dans le zina, le regard, le fait de regarder du haram, كذلك le toucher, ça fait partie de هذا الحديث. قال وروى الطبراني في معجمه عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. تأمل سو حديث, لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد. تأمل هذه الصورة, أي que l'un de vous une aiguille en fer lui pénètre dans la tête, un pic en fer. قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له, c'est mieux que de serrer la main d'une femme étrangère. Ces hadiths, c'est des hadiths authentiques que les ulama ils ont cités, que les sahaba radiallahu anhum ils ont appliqués. On doit faire attention à ceux qui véhiculent des choses qui contredisent. On vit à une époque où Al-Bard, il connaissait les hadiths, mais là, ça va choquer les autres. Là, ce qui choque, c'est de délaisser le Coran ou le Sunna. Ce qui fait du mal, c'est de délaisser le Coran ou le Sunna. Fait-à-dire que le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette comparaison. On doit tous craindre Allah Azza wa Jal, on doit tous éduquer nos enfants à la hala. Et kadalik, vu qu'on vit à une époque d'ignorance, on doit montrer aux autres. Si tu ne serres pas la main d'une femme parce que c'est haram, si c'est une voisine ou quelqu'un qui a un lien avec toi, voilà, ben tu montres. Tu montres avec ces hadiths. Anna, tu l'accuses de rien du tout. Ben, c'est pour son bien, pour ton bien. On applique notre dîn et on est des muslimouns. Un muslim, c'est celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit les ordres du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ah, mais hada, à l'époque, c'était clair. Hatta inda al-awam. À l'époque, inda al-muslimin, c'était mise en application. Hada, wallahi alhamd, lakin, on vit une époque. Anna, ba'da al-nas tawassa'u. On doit montrer la vérité, on doit patienter et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadad wa naktafi bi hadha walhamdulillah rabbil alamin.